Lui, ce gars, c'est un yogi qui est pour le moins spécial. Oui, ce gars, il crache du feu et il fonce dans le tas. Mais il est trop lent pour toi. Mais il est trop lent pour toi. Fire!